Regarde le scandale à Québec d'un candidat indépendant qui a dit qu'on choisissait mal nos immigrants, qu'on devrait privilégier les Asiatiques qui arrivent ici avec de l'argent et qui travaillent comme des défoncés, plutôt que des Arabes qui deviennent chauffeurs de taxi. Bon. Et là, on a dit que c'était un raciste d'avoir dit ça. C'est pas du racisme. C'est normal qu'un pays choisisse ses immigrants. Maintenant, lui, il a fait deux catégories trop... certainement trop générales, mais là, c'est devenu un raciste. À la minute que quelqu'un parle de façon légèrement négative d'un groupe plutôt que d'un autre, c'est un raciste. Mais en même temps, il y a toutes sortes de petits racismes qui sont installés dans la société québécoise. T'as le droit d'être anti-américain au Québec. T'as pas le droit d'être anti-québécois. T'as le droit d'être anti-syndicaliste au Québec. T'as pas le droit d'être t'as le droit d'être anti-patronal au Québec, je m'excuse. T'as pas le droit d'être anti-syndicaliste. C'est comme si il y avait toujours un double standard. On pouvait toujours dire du mal de certaines personnes, mais pas de d'autres. Et au Québec, les personnes du monde arabe sont un peu privilégiées dans l'image populaire de Radio-Canada en particulier, puis des journaux, parce que ça comprend les Palestiniens. Les Palestiniens, ben, c'est des gens qui ont été un peu bardassés par les Juifs. Puis les Juifs, ben, au Québec, c'est pas d'hier qu'on en dit du mal. Parce que ça nous vient bien. Ça nous a été enseigné par nos curés qui disaient, ces méchants Juifs qui ont tué Jésus, et ainsi de suite. Donc, on a toujours un double standard. Mais on n'en parle jamais. C'est pas correct. On a le droit de dire, les filles vont passer avant les gars quand on cherche les animateurs pour le débat des chefs. On remarque que j'ai pas de doute que Anne-Marie Dussault et La Traverse vont faire une bonne job, ou en feront certainement pas une pire job que Jean Pagé aurait faite en couverture du sport. Bon. Hey, dis-moi une chose, le roi en question qui est candidat, celui qui a fait la sortie sur les Arabes et les Asiatiques, ce que j'ai pu lire, c'est qu'il avait été choisi dans un concours de radio, en avant de même. C'est quoi ça? À travers les candidats indépendants, il y a une station de radio qui est un petit peu rock'n'roll quand il s'agit des fausses promotions, puis des fausses coupes, puis des patentes du genre, qui effectivement cherchaient un candidat à appuyer. Ils avaient trouvé celui-là. Ben. C'est l'ineffable Sylvain Bouchard, qui a été longtemps au Saguenay, qui est maintenant animateur du matin dans une radio de Québec, et où il a peut-être un petit peu de misère. Là, on plante des codes d'écoute. Leur locomotive est l'après-midi, puis elle tire pas le train. Puis le matin, il y a Bouchard, puis il livre pas vraiment à marchandises. Puis c'est devenu une station de radio qui est le porte-étendard, le thuriféraire de Régis Labeaume à Québec. Tout ce que le maire fait, ça sent bon. Envoyez, pétez-moi-en un autre, monsieur le maire, je vais vous le dire qu'il sent bon. Dans leur guerre de code d'écoute, à un moment donné, ils ont décidé, on devrait se choisir un candidat qu'on va appuyer. Puis après ça, quelqu'un leur a dit, t'as pas le droit. Ils ont arrêté. Ah, bon, c'est rien que ça?